LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Alors on y va. Inspirez. Expirez. Dès la naissance, il y a des courts et des longs dormeurs. Et en général, on voit de manière préoccupante que le pourcentage des petits dormeurs grimpe. On règle les bébés. Donc il y a des différents termes, hein. On appelle ça nurse de nuit ou une règleuse, parce qu'on n'est pas là juste pour donner le biberon du bébé. On le règle pour qu'il fasse la nuit rapidement, en général entre 2 mois et 2 mois et demi. Vous entendez ma voix. Et vous sentez vos pieds sur le sol. Voilà. Il est tôt, chérie, là. Je me suis réveillée. Attends, 6h45. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai recommencé à faire le cauchemar de la semaine dernière. Celui avec les chats. Et tout cela peut vous permettre de commencer à ressentir une certaine forme de bien-être. Je me couchais à des heures complètement aléatoires et je dormais pas. J'avais un rythme de sommeil complètement déréglé, et à la fin, en troisième et en seconde, je vivais la nuit, et en cours, je rattrapais mes heures de sommeil. 1, 2, 3, sommeil. Et profitez de ce délicieux moment. Métro, boulot, dodo. Jérôme Sandlars, Agnès Catou. Le plus court chemin entre le désespoir et l'espoir, c'est une bonne nuit de sommeil. Bien dormir est un enjeu de santé publique. Pourtant, un Français sur deux se plaint de troubles du sommeil. La frontière entre jour et nuit s'estompe. Nos yeux se perdent dans la lumière bleue des écrans et nous nous réveillons de plus en plus hagards. Nos nuits ne méritent-elles pas d'être aussi belles que nos jours ? Du bébé au vieillard, en passant par l'adolescent ou le travailleur de nuit, comment faire reculer la veille et retrouver le chemin d'un repos salvateur ? Claude Gronfière, vous êtes neurobiologiste et chercheur à l'INSERM. Et on arrive dans votre antre, là, c'est quoi ? C'est ça. Une antre secrète dans laquelle on y mène des recherches en chronobiologie, cette étude des phénomènes rythmiques. Et notre équipe s'intéresse très spécifiquement au sommeil et au rythme biologique. On vous suit ? On y va. On a deux chambres, dites chambres du sommeil ou des rythmes, qui nous permettent d'étudier ces phénomènes rythmiques dans des conditions expérimentales qu'on appelle des conditions d'isolation temporelle. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est lorsqu'on observe la physiologie, eh bien certains aspects sont rythmiques. Par exemple, le cycle veille-sommeil, il est rythmique. Mais est-ce qu'il est rythmique parce qu'il y a de la lumière pendant la journée et de l'obscurité pendant la nuit? Ou bien est-ce qu'il est rythmique parce qu'il y a une horloge biologique interne qui va déclencher l'éveil pendant la journée et le sommeil pendant la nuit? Et on ne peut pas le savoir dans la vraie vie, puisque la lumière est là, on a de l'activité, on travaille pendant la journée. Donc nous, on les met dans des conditions dans lesquelles ils ne peuvent pas savoir quelle heure il est. Les fenêtres sont doubles, on ne sait pas s'il fait jour ou nuit. La température est constante, la luminosité est constante, on joue avec l'intensité lumineuse. Quelquefois, ils passent plusieurs jours dans des conditions de très très faible lumière. Un luxe environ, c'est, vous imaginez, une bougie à 1 mètre de l'œil. Et donc, il fait relativement sombre. Et puis, on étudie leur physiologie, leur comportement. Ils n'ont pas de montre, on n'a pas de montre. Ils ne peuvent pas déceler quelle heure il est en nous observant. On essaie d'avoir une chemise repassée tout le temps, même au milieu de la nuit. Et donc, on les observe, on les enregistre. Et lorsqu'on fait ça bien, on arrive à déceler des rythmicités très fines, de très très faible amplitude, qui ne peuvent s'observer que lorsque les conditions sont très contrôlées, comme celle qu'on a ici d'isolation temporelle. Vous êtes un grand spécialiste de la chronobiologie, Claude Gronfière. C'est quoi la chronobiologie ? Alors la chronobiologie, c'est l'étude des phénomènes rythmiques. Chronos, c'est le temps. Et donc, on observe ce qui se passe au cours du temps. Donc, toutes nos études comportent un protocole dans lequel on va mesurer au cours du temps, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours, quelquefois pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou plusieurs années, des phénomènes. Et on va essayer de retirer de ces enregistrements-là des rythmes biologiques. Alors, les rythmes classiquement étudiés dans notre laboratoire, c'est ce qu'on appelle les rythmes circadiens, rythme proche de 24 heures. mais plus récemment, on s'est intéressé à des rythmes qui sont plus lents, les rythmes circamensuels ou les rythmes menstruels, puisqu'il s'agissait de la fertilité et du cycle menstruel chez la femme. Donc là, l'échelle de temps n'est pas l'échelle de la journée, mais c'est l'échelle du mois. Et puis, j'ai commencé, moi, mon intérêt pour la chronobiologie à Strasbourg, dans une équipe qui s'intéressait à des rythmes encore plus courts, des rythmes qui étaient d'une heure et demie, ce qu'on appelle les rythmes ultradiens. Donc, il y a un ensemble de rythmes, et la chronobiologie s'intéresse à ces rythmes-là. Qu'est-ce qui les explique? Est-ce que les rythmes, par exemple, circadiens sont liés à l'alternance jour-nuit, ou pas? Est-ce que les rythmes circa-mensuels ou circa-menstruels sont liés à la Lune, ou pas? Etc. Donc la chronobiologie, c'est l'observation des rythmes et l'explication de l'origine de ces rythmes. Les rythmes ultradiens, ce sont ceux qui sont plus proches du bébé, c'est ça au départ? Alors oui, on les connaît bien chez le bébé parce qu'en effet, lui, il a un sommeil qui est polyphasique, plusieurs épisodes de sommeil au cours de la nuit. Il a un sommeil ultradien en effet. Il va tendre progressivement vers un sommeil circadien. Absolument, c'est tout à fait ça. On pense que l'horloge biologique est totalement mature entre 3 mois et 6 mois chez le nourrisson. Et qu'à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, l'horloge biologique est capable de s'exprimer de manière suffisamment forte pour qu'elle puisse faire émerger un sommeil nocturne, ou relativement plus nocturne, et une veille relativement plus diurne. Où est-ce qu'on arrive, là, Caroline? Alors, nous arrivons chez les parents du bébé. Le petit Paul, donc je m'occupe depuis 2 mois. Donc, comme tous les soirs, c'est la maman et le papa qui viennent m'ouvrir. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui. Cool. Voilà, il était un petit peu agité, donc il vient de s'arrêter juste là, mais je pense qu'il a vraiment très faim. Il a faim? Ouais. On va lui préparer le biberon alors. Je vais essayer de le calmer un tout petit peu. Viens me voir. Là. Non, mon chouchou. On y va. Là. Il est quelle heure, là? Il est 21h. 21h, pile poil. C'est à peu près l'heure à laquelle vous commencez, Caroline? Oui, entre 21h et 22h. Allez. Jusque 7h du matin. Pour prendre en charge, ce petit Paul, la nuit. On va lui donner les biberons, mais là, il n'y en a plus, parce qu'il a 2 mois maintenant. Donc il fait presque ses nuits, je suis en fin de mission, donc il n'a plus besoin de biberon la nuit. Là c'est le dernier, vous voyez, qu'on lui donne à 21h, et le prochain va être un peu avant, entre 7h30 et 8h30, un peu. Voilà, 8h du matin. Alors il y a un petit réveil de temps en temps, des petits réveils là vers 6h qui arrivent là, mais qu'on va essayer de pallier. Et voilà, il est réglé. Allez, on se réveille. Voilà. Ça y est, c'est parti. C'est votre premier enfant, Sandra? Oui, tout à fait. Mmh. Du coup, Caroline est venue à notre secours juste à la sortie de la maternité, de manière à faire cette transition entre le jour et la nuit, mais de manière sereine, et récupérer un peu du temps de sommeil surtout. Et, voilà. Comment vous avez entendu parler de ce métier de nurse de nuit? Mathieu? J'ai un grand frère qui a un petit bébé qui habite en Argentine. Il a effectivement pris une nurse de nuit dès la naissance de sa fille Salomé. Et effectivement, sa femme me disait que l'avantage, c'est que du coup, le fait de pouvoir bien dormir la nuit, la journée, la maman est plus patiente avec le bébé et puis prend mieux le temps de s'en occuper. Et donc, c'est forcément bien pour l'équilibre du couple, mais au final aussi pour l'enfant, parce que si la maman est moins épuisée la journée, elle aura plus de patience pour jouer et ainsi de suite. Quoi. Oui, là. Oh, on est un peu de biberon. Oui. Ça fait longtemps que vous faites ce travail, Caroline? J'ai commencé par des petits babysitting, avec des petits bébés. Et très rapidement, j'ai des parents qui m'ont demandé pour des nuits. J'ai commencé et j'ai jamais arrêté. Voilà, ça fait plus de 20 ans maintenant. Ils boivent un petit peu endormis, les yeux fermés, ils dégustent. Pour les parents, il faut savoir que c'est une sorte de jet lag permanent. Et je compare ça un petit peu à des Paris-New York, parce que vous avez des nuits difficiles qui s'enchaînent, donc vous n'avez pas de possibilité de récupération. On n'est vraiment pas bien, c'est... Rototo. On n'est vraiment pas bien, et c'est... Pour récupérer, c'est pas facile, quoi. Donc, Doucement, doucement, on a le temps, on a le temps. Donc il y a des différents termes, hein, on appelle ça nurse de nuit ou une règleuse, parce qu'on règle les bébés. On n'est pas là juste pour donner le biberon du bébé, on le règle pour qu'il fasse la nuit rapidement, en général entre 2 mois et 2 mois et demi. Parce que là, il n'y a plus de biberon la nuit, mais il y en avait avant, toutes les 3 heures hein, au début. Donc vous avez entre 2 et 3 biberons la nuit à donner au bébé. C'est ce qu'on nous demande, hein, c'est ça, hein, c'est en fin de compte régler le bébé pour qu'il fasse ses nuits rapidement. Il a presque fini son biberon, là. Oui, presque. Il n'a plus à manger. Il faut un petit rototo, maintenant. Voilà. C'est bien. C'est la première fois qu'il parle au micro. Docteur Patricia Franco, là, vous êtes neuropédiatre, responsable de l'unité du sommeil ici à l'hôpital femme-mère-enfant de Bron, dans l'agglomération lyonnaise. Comment est-ce que le sommeil trouve progressivement sa place dans la vie du nouveau-né ? Le nouveau-né dort d'une manière beaucoup plus irrégulière que nous, c'est-à-dire qu'il a des périodes de 3-4 heures de sommeil, et puis après il se réveille, il prend ses biberons, où il est allaité, et puis de nouveau il dort. Donc ce sont des périodes de 4 heures, on dit que c'est un rythme ultradien. Et puis progressivement, il va apprendre à dormir essentiellement la nuit, c'est le rythme circadien. Ça se met en place vers 1 mois de vie, mais normalement, on attend du nourrisson qu'il puisse passer la partie la plus importante de son sommeil la nuit à l'âge de 6 mois. Alors il a aussi à la naissance 2 types de sommeil. Il a du sommeil agité parce qu'il bouge beaucoup pendant son sommeil. Et c'est assez particulier parce qu'il a toutes les mimiques des sentiments, la joie, la colère, au niveau de la face. Il a les petits twitch au niveau des orteils, des doigts. Et c'est un sommeil qui est extrêmement important pour les apprentissages. Au niveau psychomoteur, parce que les petits switch, c'est comme si le nouveau-né testait ses systèmes pour voir s'il est prêt après à pouvoir manipuler les objets, à tenir debout, à marcher. Et les sourires, les mimiques représentant les différentes émotions, c'est une manière pour lui de tester ses capacités de relation par la suite au niveau social. Et ce sommeil agité va laisser la place au sommeil paradoxal qui est le sommeil des rêves chez nous, les adultes. Et cela, ça se passe progressivement les 3 premiers mois de la vie. Ensuite, il a un autre type de sommeil, qui est le sommeil calme, qui ressemble à notre sommeil lent. Et tout cela se passe pendant les premiers 6 mois de la vie. À partir de 6 mois, mais plus vers 1 an, 2 ans. Marie-Françoise Vieccherini, neuropsychiatre et spécialiste du sommeil. Une chose qui est importante, c'est que l'enfant va se choisir un objet, un doudou, ce que Winnicott appelait un objet transitionnel. Et ça, c'est une phase importante qui permet à l'enfant de se rassurer et d'aller s'endormir avec beaucoup moins d'anxiété. Et la deuxième chose qui est importante, sont les routines de coucher. C'est-à-dire comment je prépare mon enfant au sommeil. Alors souvent, c'est très stéréotypé. On va mettre le pyjama, on se lave les dents, etc. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase, c'est l'enfant au lit. Ça n'a pas besoin d'être très très long, mais on fait quelque chose à l'enfant, pour l'enfant et rien que pour lui. Ça peut être genre, j'écoute une petite musique douce, beaucoup lisent une histoire. Ça peut être, je te raconte quelque chose de la journée qui a été agréable. Ça correspond à la phase d'endormissement. Les plus jeunes qui se présentent à vous, docteur Franco, ils souffrent de quel type de pathologie en général ? La grande plainte, c'est évidemment l'insomnie comportementale du petit enfant. Ce sont des insomnies qu'on retrouve dans 30% à 50% des enfants, donc un enfant sur 2, un enfant sur 4, et cela presque dans tous les continents. Alors ce sont des enfants qui ont du mal à s'endormir ou qui réveillent leurs parents pendant la nuit. Les enfants pleurent, les parents répondent à ces pleurs. Et c'est cette réponse-là qui va être souvent très rapide, qui va nourrir finalement l'insomnie, parce que la présence des parents va devenir indispensable. Florian Lécuel, psychologue du sommeil. Dans les conseils qu'on va donner, on va déjà se baser sur les rythmes du sommeil. On va redonner des rythmes au sommeil, redonner un rythme à la vie. Et ensuite, nous, dans le service et en prise en charge spécialisée, on va utiliser les recommandations internationales. C'est-à-dire qu'on va faire un cours sur le sommeil qui dure 2 heures. Ça va être reprendre les rythmes, reprendre la quantité de sommeil nécessaire pour l'enfant, mais aussi travailler pour certains patients sur la gestion de leurs émotions, la compréhension de leurs émotions, et de la psychoéducation aussi sur l'interprétation des pleurs. Pourquoi mon enfant pleure? Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il a forcément mal? Souvent, c'est des mères qui sont tellement hyper réactives que parfois, pour les enfants qui sont assez jeunes, on va dire à la mère, j'ai patienté 1 minute avant d'intervenir. Juste patienter 1 minute avant d'intervenir et l'intervention, la faire de façon progressive. Poser une main sur l'enfant, rassurer à l'oral l'enfant avec une petite phrase douce et ne pas le sortir tout de suite du lit. Sur des enfants qui ont à partir de 4-6 mois. Avant 4 mois, on va plutôt donner le conseil de dire aux parents, intervenez parce que l'enfant n'est pas encore capable de gérer ses éveils. Ensuite, le sommeil va se modifier progressivement avec une pression de sommeil qui va augmenter sur la journée, avec les siestes qui vont disparaître progressivement. Donc l'enfant nouveau-né va faire plusieurs siestes, une en fin de matinée, 2 dans l'après-midi, et puis il va perdre la sieste de fin d'après-midi, puis celle de fin de matinée, et entre 3 et 6 ans, il va perdre la sieste de début d'après-midi. C'est pour ça que l'enfant qui rentre en CP a un sommeil assez lourd et qu'on voit apparaître à cet âge-là ce qu'on appelle les terreurs nocturnes, le somnambulisme, qui sont liés au sommeil lent profond de première partie de nuit. Est-ce que tu dors bien, toi, Mila? Pas trop. Ça m'arrive plus souvent de faire des cauchemars que des rêves. Ah oui? Quand par exemple j'ai rêvé d'avoir perdu 2 chats que j'avais. Ils étaient comment ces chats ? Noirs. Je venais de les avoir, je lui montrais le balcon mais je le penchais pas, je lui montrais juste l'horizon. Après bah, je récupère. Après ma maman elle arrive pour faire du jardinage et avec son seau sans faire exprès elle bouscule le chat. Le chat tombe dans le seau se renverse. Et en gros, bah, le chat, du coup, tombe par la fenêtre. Et tu dis qu'il y en avait 2. Qu'est-ce qui devenait l'autre ? En fait, l'autre n'approchait plus personne parce que sans la femelle, il voulait plus bouger, plus sortir de sous le lit. Et c'était 2 amoureux ou c'était un frère et une sœur ? C'était 2 amoureux, je crois. Tu t'en souviens bien, dis donc ? Bah oui, mais ça m'a marqué. Le temps ou le besoin de sommeil, comment est-ce qu'il évolue à l'adolescence, Marie-Françoise Beccherini ? C'est 2 notions différentes. Le besoin de sommeil, quelles que soient les études, on tourne entre 9 et 10 heures. Mais le temps de sommeil qu'ils ont est beaucoup plus court. Beaucoup plus court. Pourquoi ? Mais parce qu'à l'adolescence, il y a aussi un remaniement du sommeil, qui fait qu'ils vont avoir tendance à dormir beaucoup moins, alors que le lever est fixe. Donc, le temps de sommeil est court, ils sont en privation de sommeil. Et comment on voit aussi qu'ils sont en privation de sommeil ? Eh bien, parce que le week-end, ils font ce que l'on appelle un jet lag social. C'est-à-dire que non seulement souvent ils se couchent plus tard, mais ils se lèvent beaucoup plus tard. Donc, il y a une récupération de sommeil, mais il y a aussi une désorganisation du rythme. Entre 10 ans et 20 ans, le sommeil a tendance à prendre du retard pour des raisons de maturation de l'horloge biologique. Claude Gronfier, chronobiologiste. Le fait qu'on se couche un peu plus tard nous expose à la lumière un peu plus tard. Et si en plus on est des utilisateurs d'écran ou même de lumière à la maison pour lire un livre ou pour faire des activités ou si on fait des jeux vidéo, eh bien toute cette activité-là, le soir, va retarder l'horloge biologique. Pourquoi les écrans dont on parle ont un effet très important ? Eh bien parce que les écrans comportent des LED qui sont très enrichis en bleu et la quantité de bleu dans la lumière qui émane des écrans à LED est très largement suffisante pour exercer des effets sur l'horloge biologique. On augmente l'éveil, On supprime la sécrétion de mélatonine, qui est une hormone qui est importante pour l'installation du sommeil. On augmente la température corporelle alors que l'installation du sommeil nécessite une chute de la température corporelle. On accélère la fréquence cardiaque. Bref, qu'est-ce qu'on fait quand on est exposé à de la lumière, même à des niveaux très très bas? Eh bien, on envoie à l'organisme un signal d'éveil, un signal de « wake up », c'est l'heure d'être éveillé et actif. Et donc la lumière va préparer l'organisme à être éveillé. Elle va induire l'éveil et elle va inhiber tout ce qui est contraire, c'est-à-dire elle va inhiber tous les mécanismes liés au sommeil. Elle va empêcher le sommeil de s'installer. Papa, on peut se faire une partie de cette famille? Ok. Fanny, dans la famille mauvais dormeur, je voudrais Elliot le beau-fils. Ah, j'ai. Alors on y va. Merci. Inspirez. 2, 3. Ça commençait quand tes problèmes avec le sommeil? Bah, si je me souviens bien, c'était vers le CE2. Ça a duré un bout de temps et puis c'est monté crescendo jusqu'en seconde. Où on a fait un travail et ça s'est calmé. Bah, ça a commencé assez naturellement, d'une manière où je m'en rendais pas compte au début. Dans le sens où je me couchais tard. En fait, je jouais avec mes doudous au début, donc dans ma chambre je faisais des trucs. Et petit à petit, ça commençait à devenir de plus en plus sérieux parce que je me rendais compte de ce qui se passait. Je dormais pas. Ou alors je me couchais à des heures complètement aléatoires et j'avais un rythme de sommeil complètement déréglé. Et à la fin, en troisième et en seconde, je vivais la nuit et en cours, bah, je rattrapais mes heures de sommeil. Et alors que vous continuez d'inspirer, d'expirer en comptant comme ça, lentement, de 1 jusqu'à 5. J'ai pas que des mauvais souvenirs de mon insomnie. Des fois, ça me manque hein, de vivre la nuit parce que j'avais mes petits rituels du coup. J'avais une petite radio réveil, j'écoutais plein de trucs. Je me faisais une petite tisane et puis je lisais. Et c'était plutôt agréable. C'est après la journée que j'en pâtissais. Et je me suis dit que c'était plus vivable la journée. C'est pour ça que j'ai essayé de régler le problème. Et vous sentez vos pieds sur le sol. Voilà. Et vous entendez ma voix. J'avais des vidéos d'hypnose sur le sommeil, donc j'avais essayé. Ça avait marché pendant quelques mois. Et au bout d'un moment, je la connaissais par cœur et ça marchait plus. Quand je trouvais rien pour essayer de dormir, donc toutes les techniques à la con de compter des moutons, des conneries comme ça, qui marchaient que dalle sur moi, je lisais, je jouais au jeu. Et tout cela peut vous permettre, pendant mon année de seconde, j'ai beaucoup joué en réseau, de commencer à ressentir, et je regardais des séries aussi, une certaine forme de bien-être. Mon père, il m'avait coupé internet à un moment parce que j'avais pas des bonnes notes. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'étais allé sur un site de téléchargement et j'ai téléchargé pendant la journée pour pouvoir avoir des trucs à regarder une fois que j'ai plus internet. Du coup, en fait, ça change rien. Alors même que vous continuez d'entendre mes mots. Tu te souviens, on a décidé de consulter une pédopsychiatre spécialisée sur les problématiques de sommeil. Je me souviens entièrement. Hein. Donc oui, l'idée, c'était de te recaler. Et c'était donc que tu ne fasses plus jamais de grasse matinée, y compris les week-ends. Ça a été ça l'enjeu. Ça a été que sur tout un été, on gagnait un quart d'heure par jour. C'est-à-dire, jour A, 2h30 du matin, le lendemain, 2h15. On a avancé comme ça, palier par palier, comme un escalier qu'on redescend pendant tout l'été. Il y avait la prise de mélatonine. Et par contre, ce qui était clair, c'était que chaque matin, aucune grasse matinée, y compris samedi et dimanche. Et ce qui a été chouette, c'est que tu t'es re-réglé, quoi. Ouais. Profitez de ce délicieux moment. T'en es où aujourd'hui par rapport au sommeil, Elliot? T'as 21 ans, un petit boulot, est-ce que t'as du mal à te lever? Parfois il faut que tu pointes à 8h du matin. Là j'ai un rapport avec le sommeil qui est devenu assez basique. Maintenant j'essaie de plus me faire happer par des trucs à la con que je vois sur internet. Et au final je perds une heure alors que je pourrais juste la gagner à dormir. Donc je suis redevenu normal, hormis une chose, j'ai un sommeil extrêmement lourd. Je n'ai jamais rencontré personne qui avait un sommeil aussi lourd que moi. J'ai acheté un réveil pour malentendants, tellement j'ai le sommeil lourd qui fait vibrer ma tête sous mon oreiller, plus mon téléphone, et ça, des fois, ça suffit pas à me réveiller. Et du coup, ça me fait peur, parce que des fois, je peux pas faire confiance à mon réveil et être sûr, comme tout le monde, de me réveiller. Est-ce que t'as le sentiment d'avoir trouvé un bon rythme de sommeil aujourd'hui, Elliot? Ça dépend. On essaye, on cherche. Faut trouver un bon rythme de vie avant de trouver un bon rythme de sommeil. Le sommeil, ça vient se caler sur le reste. Ok. qu'on a actuellement, je pense, 25% à 40% en fonction des études d'adolescents qui sont en privation de sommeil. Patricia Franco, neuropédiatre. C'est-à-dire qu'ils dorment moins de 7 heures par nuit, alors qu'ils devraient en dormir 9. Et du coup, ce serait quoi votre préconisation ? Pour le retard de phase, donc, on a toujours donc, les conseils d'hygiène de vie et de sommeil. On a aussi des techniques de chronothérapie, c'est-à-dire qu'on essaye d'avancer progressivement l'heure du coucher, de demi-heure en demi-heure, pour essayer qu'ils se recalent à la bonne heure. Ensuite, bon, la luminothérapie, c'est-à-dire qu'on les illumine le matin pour les réveiller, pour couper la sécrétion de mélatonine. Et puis ensuite, il y a évidemment la possibilité de donner de la mélatonine au moment voulu de l'endormissement pour avancer l'heure de l'horloge interne. Et en fait, on a beau leur expliquer l'intérêt de se resynchroniser, d'aller coucher plus tôt. Je pense que ça fait des années que le message est passé que le sommeil est une perte de temps. Donc, ils se disent que il vaut mieux rester éveillé et être en contact avec leur père, que c'est bien plus intéressant et plus important pour eux que de dormir. Donc, il y a beaucoup à faire, je pense, au niveau de l'information, de l'éducation. C'est ce qu'on essaye de faire avec le service sanitaire. Et voilà, et nous, on essaye aussi de faire de l'information au grand public. Docteur Patricia Franco, on a vu pour les bébés, les adolescents, et puis après, il va évoluer comment, notre sommeil ? Malheureusement, plus on vieillit, et moins la qualité du sommeil est bonne. Et donc, déjà, le jeune adulte, 20 ans, 30 ans, perd encore du sommeil lent profond. Et puis, vers 40 ans, vous allez perdre du sommeil paradoxal. Et puis, le sommeil du senior sera plutôt fait avec du sommeil lent léger et beaucoup plus de micro-éveil. Donc, c'est un petit peu irrémédiable. En sachant que, logiquement, avec l'arrêt de l'activité professionnelle à la retraite, général, on dort mieux parce qu'on est quand même moins soumis à des stress. Docteur Isabelle Arnulf, vous êtes neurologue et chef du service de l'unité des pathologies du sommeil à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et puis vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage intitulé « Une fenêtre sur les rêves, neurologie et pathologie du sommeil » chez Odile Jacob, sorti en 2014, dans lequel vous évoquez le sommeil des moines cloîtrés. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez parce qu'il y a comme ça une forme d'approche un peu chronobiologique du sommeil chez les moines. Le rythme de sommeil des moines nous a toujours intéressés. En particulier, bon, ce sont des moines contemplatifs qui vivent dans la montagne et qui vivent sur le même rythme veille-sommeil depuis le XIe siècle. Avec en particulier un phénomène qu'on voit assez souvent chez les moines contemplatifs, c'est-à-dire une prière de nuit qu'on appelle les matines. Ce qui fait que ces moines se couchent de bonne heure, après compli, hein, compli qui est la prière où j'ai accompli tout pour la journée et puis je demande à Dieu de passer une nuit sereine. La nuit était dangereuse à l'époque. Et ensuite, je me couche et il est 19h à peu près. Et ensuite, ils vont avoir une première cloche à minuit pour une messe de matine qui va démarrer à minuit 15 et qui va durer entre 2 et 3 heures par nuit. Et ensuite, ils vont se recoucher jusqu'à prime, qui est la première prière, la première lumière du jour, qui a lieu aux alentours de 6h30. Et on est allé leur demander s'ils arrivaient à fonctionner avec ce rythme. Et ils nous ont dit que c'est difficile, en particulier pour les jeunes carrières. Et ils étaient intéressés que des médecins viennent étudier leur rythme et qu'on leur donne des conseils pour qu'ils s'adaptent à ça. Et effectivement, on s'est rendu compte assez vite que c'était difficile de se réveiller à minuit quand vous êtes couché à 20h, mais que certains y arrivaient très bien, en particulier ceux qui étaient du matin. On a voulu étudier comment leur rythme interne s'était adapté à cela. Et pour mesurer l'horloge interne, on utilise la température. La température du corps baisse normalement à 20h. Elle baisse progressivement de 0,8 degrés jusqu'à 4h du matin et elle remonte ensuite. Et c'est dans la remontée qu'on se réveille. Elle va être maximum à 16h à peu près. Et pour mesurer ça, on utilise des gélules, hein, qui ressemblent à une petite gélule de paracétamol, dans lequel il y a un petit thermomètre micro et un petit émetteur. Avec à la ceinture un capteur, on arrive à avoir une mesure de température toutes les minutes. Et donc tous ces moines ont très gentiment avalé cette gélule. Ils ont mis sous leurs grandes aubes blanches ces capteurs des émetteurs, des voltaires, et on a pu avoir une représentation de comment leur horloge fonctionnait. Et leur horloge fonctionne différemment de nous, effectivement. Elle baisse bien de bonne heure, hein, vers 19h, la température baisse. Mais une heure et demie avant qu'ils se réveillent, c'est-à-dire vers 10h30 du soir, elle arrête sa chute. Et soit elle s'aplatit, soit elle commence à remonter. Et elle va rester haute pendant toute la messe de matine et redescendre au retour au lit le matin. Ce qui fait que c'est la première fois qu'on trouvait chez l'être humain une horloge dite biphasique, qui n'a pas qu'une seule phase monophasique comme la nôtre. Et on pense qu'ils se sont adaptés depuis longtemps, puisque il faut dire qu'ils n'ont pas de congé, hein. Ils sont tout le temps dans ce rythme-là. C'est pas comme un travailleur posté ou quelqu'un qui va aller aux États-Unis et changer de rythme. Eux, c'est permanent. Moyennant quoi, ceux qui étaient du soir, qui avaient du mal à se coucher de bonne heure, hein, ils n'arrivaient pas à aller dormir après compli, ils lisaient souvent des choses jusqu'à parfois 23 heures. Et à ce moment-là, la cloche de 24 heures, de minuit, les cueillait dans un sommeil extrêmement profond dont ils avaient beaucoup de mal à s'extraire. Ils avaient du coup développé toutes sortes de techniques. Certains avaient 7 réveils matin en batterie. Évidemment, ils ne se parlent pas, hein, c'est des moines silencieux. Et il est tradition, pendant la messe des matines, que si le révérend père s'aperçoit qu'il manque un moine, un des 12, hein, ils sont 12 à la messe des matines, il fait signe à un des moines d'aller le chercher dans sa cellule, soit parce qu'il faut le réveiller, qu'il n'a pas réussi à se réveiller, soit parce qu'il a un problème de santé grave et il faut vraiment aller regarder. Et ce père qui va faire le tour et frapper, suivant les monastères, à la porte pour dire il faut se réveiller, s'appelle le père excitateur, excitatio dominus, le réveil. Et le révérend père nous a dit, vous devriez aussi aller chez les moniales parce que les femmes ont plus de mal quand même que nous. Et donc on a été dans le monastère, dans le Luberon des femmes, et qui effectivement a beaucoup de mal à se réveiller. Donc c'était un moment assez magique quand même, hein, d'aller travailler. On a fait tenir des agendas de sommeil, on a fait porter des montres qui mesurent les rythmes. Ils ont tenu aussi des agendas de rêve, donc on a pu voir à quoi ils rêvaient. Et on a pu beaucoup discuter avec eux, qui a une grande franchise, par exemple, qui rapportait des paralysies du sommeil fréquentes au deuxième sommeil. Ils employaient le terme de premier sommeil pour le sommeil de 19h à minuit et de deuxième sommeil pour celui de 3h à 6h. C'est marrant ce que vous dites parce que ça me fait étrangement penser aux travaux de Roger Ekirch, l'Américain, qui parle du sommeil biphasique pré-industriel. Vous pourriez nous rappeler un petit peu l'essentiel de ces travaux? À l'époque où n'existait pas l'électricité, c'était cher d'avoir des bougies le soir. Les personnes se couchaient à la tombée du jour. Les enfants arrivaient à dormir facilement de 19h à 7h du matin, les 12h. Les adultes plus difficilement. Et il était courant qu'ils se réveillent en milieu de nuit, après ce qu'ils appelaient eux aussi le premier sommeil, ou le sommeil profond, et qu'ils opposaient au sommeil du matin, ou qu'ils appelaient souvent sommeil de rêve. Second sommeil ou sommeil de rêve. Et cette interruption du sommeil qui avait lieu entre 1h30 et 3h en milieu de nuit, il l'appelait très joliment la dorveille, et beaucoup en profitaient pour finir des choses qu'ils n'avaient pas finies avant de se coucher, vérifier que le feu était bien éteint, que la maison était en sécurité, éventuellement prier, hein, comme nos moines. Faire l'amour. On disait que les bébés fabriqués dans ce creux de la nuit étaient, les gens étaient plus vigoureux, on réussissait mieux les bébés. Et certains en profitaient pour prendre des notes et trouvaient qu'ils avaient des meilleures idées au milieu de la nuit. Et donc une espèce d'œil de cyclone au milieu de la nuit qui a clairement disparu avec l'arrivée du gaz puis de l'électricité, c'est-à-dire à partir du moment où les personnes ont plus veillé plus tard que 19h et se coucher du coup aux alentours de 23h. À ce moment-là, les deux bouts de sommeil qui étaient séparés d'un intervalle intra-nuit de 1h30 à 3h se sont raboutés et tout le monde a considéré à partir de la fin du 19e siècle que c'était normal de dormir d'un trait. C'est pour ça que de temps en temps, quand on a des gens qui se réveillent au milieu de la nuit, et je pense à cette écrivaine qui dit qu'elle est insomniaque, Madame Dariussecq, je connais absolument rien d'elle, sauf que j'ai vu son hypnogramme, son enregistrement de sommeil, elle le met dans le livre, pas dormir. Et voilà quelqu'un qui a typiquement un sommeil médiéval, c'est-à-dire qui s'endort correctement pendant un ou deux cycles, qui a un long éveil intra-nuit et qui redort ensuite plus sur le matin. Et donc certaines personnes continuent à garder ce rythme-là. Et il faut leur dire que ce n'est pas forcément pathologique. C'est déculpabilisant. Oui, oui. Il faut en profiter de ce milieu de la nuit. Les patients qui me disaient, je me dis, chic, j'ai une heure pour lire ou j'ai deux heures pour lire. Évidemment, il ne faut pas se coller sur un écran d'ordinateur ou de télé parce qu'on va s'éclairer avec des LED bleues, du coup, avoir du mal à se rendormir. Mais de la lecture, de la musique, de la créativité, c'est tout à fait possible au milieu de la nuit. Les moines disaient qu'ils aimaient beaucoup cette messe de nuit. Il y a un très grand silence qu'il n'y a pas dans le reste de la journée. Ils pensaient que spirituellement, ils se retrouvaient plus proches de Dieu à ce moment-là. C'est une messe de chant. Et ils aimaient beaucoup chanter. Et puis une impression quand même que c'est le moment où... Oui, c'est ça, comme si la porte était ouverte vers le ciel, plus la nuit. Alors c'est vrai que pour avoir enregistré, passé des nuits chez eux, dans la montagne, vous imaginez la nuit avec complètement étoilée au mois de juillet, avec un renard qui passait sur le côté et tout. On comprenait qu'ils trouvent ce moment-là précieux, en fait, dans la nuit. Après, ils pensaient aussi être des veilleurs, c'est-à-dire ceux qui, la nuit, veillent contre les arrivées diaboliques ou monstrueuses. Enfin, la nuit faisait très peur au Moyen-Âge. La nuit n'était pas éclairée. C'était le moment où on se faisait attaquer, agresser. Et une protection divine était un petit peu requise. Un tiers des gens meurent dans leur sommeil quand même. Donc ces moines se considéraient comme des veilleurs pour lutter contre le démon nocturne qui est très présent clairement dans leur sommeil et dans leurs rêves et qui est présent dans leur vie de moine. Il faut dire qu'ils passent leur temps à lire des textes à voix haute qui sont absolument horribles où il n'y a que des attaques du démon nocturne. Professeur Damien Léger, on se retrouve ici dans votre service, donc au Centre du Sommeil et de la Vigilance à l'Hôtel Dieu, Paris, à PHP. Et puis vous êtes également le co-directeur de l'équipe VivaSomme, Vigilance, Fatigue et Santé Publique. Je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu ce que c'est qu'une approche épidémiologique du sommeil. Oui, alors l'épidémiologie, c'est essayer de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans la population générale sur le plan des maladies. Et donc pour le sommeil, ça a commencé par l'épidémiologie des maladies du sommeil. On s'est intéressé à l'insomnie, ce qui était assez mystérieux il y a 15-20 ans, parce que tout le monde se plaint de mal dormir. Alors donc, quand on commence à poser la question aux gens de savoir « est-ce que vous dormez bien ?», 90% des gens disent qu'ils dorment mal. On voudrait savoir un peu plus. Et c'est pour ça qu'il y a eu des classifications, des définitions de l'insomnie qui sont venues bien préciser les choses. Actuellement, on est insomniaque, entre guillemets, par définition, que si on a des problèmes de sommeil importants, troubles de l'endormissement ou troubles du maintien du sommeil, c'est-à-dire des réveils nocturnes, ou alors un réveil trop tôt, trop précoce, une heure avant de vouloir se réveiller, au moins 3 fois par semaine, depuis au moins 3 mois, et avec des conséquences dans la journée du lendemain de problèmes de fonctionnement. Donc à partir de là, on a reposé ces questions à des grands groupes de population. En France, par exemple, on a fait une étude avec 12 000 sujets qui étaient représentatifs de la population française, et on retrouve des prévalences d'insomnie qui sont importantes, 19% dans la population adulte, mais qui sont quand même pas les 90% qu'on avait retrouvé. Voilà, ce qui est curieux, c'est que ces prévalences de 15 à 20%, on les retrouve dans la plupart des pays, industrialisés, occidentaux, avec l'insomnie sévère 10%, c'est-à-dire des gens qui ont besoin de prendre quelque chose pour dormir tous les soirs, parce qu'ils ont un très mauvais sommeil. Est-ce que vous êtes parvenu à pointer un peu les raisons, les causes de ces insomnies? Alors, les caractéristiques de la population, c'est-à-dire que les femmes ont plus d'insomnie que les hommes. Plus on vieillit, plus on a d'insomnie. Il y a la tranche 18-35 ans qui est particulièrement vulnérable, parce que c'est là où débute en général l'insomnie. Et puis l'insomnie est associée à une mauvaise condition socio-économique, au fait d'habiter dans des mégapoles, à un environnement perturbé, bruyant. Voilà, il y a un peu ces caractéristiques particulières. Dans les mégapoles, il y a, bien sûr, les gens travaillent quelquefois en horaire décalé plus qu'ailleurs, mais également les temps de trajet. Les temps de trajet sont très déterminants du mauvais sommeil. Quand on commence à avoir un temps de trajet supérieur à une heure, aller autour, ça veut dire qu'on se lève tôt, ça veut dire qu'on rentre tard à la maison. Quand on rentre tard à la maison, on a envie de faire autre chose. Et du coup, on dort très peu. Et ça, c'est les deux déterminants professionnels. L'autre déterminant, c'est bien sûr les réseaux sociaux, les accès aux nouvelles technologies, Internet, le téléphone. Et voilà. Et ça, ça grignote de plus en plus dans la nuit. Alors, ici même, des gens qui viennent, qui ont des problèmes depuis plus de 10 ans, viennent au labo de sommeil pour être enregistrés, pour qu'on sache ce qui se passe. Leur téléphone sonne pendant la nuit, ils répondent. Bon. Donc ça a grignoté totalement le sommeil. Ça, c'est vraiment un déterminant très très fort de la privation de la dette de sommeil. Il y a des champions du sommeil. Ils posent la tête sur l'oreiller et ils glissent. Ils dévalent la pente. La vague s'enroule, le ciel s'ouvre. Sommeil océanique. Leurs bras s'appuient sur l'épaisseur des atomes. Avec une aisance folle, avec une connaissance sidérante des abîmes, ils ne tombent pas. Et nous, insomniaques, nous chutons dans d'affreux ravins. Et nos cernes ont la couleur des ecchymoses. Pas dormir, Marie Dariussec. On se rend compte que dormir insuffisamment, c'est dormir moins de 6 heures. Par 24 heures, c'est associé à toute une série de comorbidités très sévères, obésité, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, troubles psychiatriques de type dépression, accident. Et donc on s'intéresse à qui sont les petits dormeurs dans la population générale, et on fait pas mal d'études là-dessus en ce moment, c'est-à-dire en population française, en population internationale avec plusieurs pays. Et en général, on voit de manière préoccupante que le pourcentage des petits dormeurs grimpe dans nos sociétés. On est actuellement à peu près à 35% de gens qui dorment 6 heures et moins de 6 heures par 24 heures dans la population française d'adultes, ce qui est très important. Sachant que la durée moyenne de sommeil en France aujourd'hui est à peu près 7 heures. Et qu'elle a diminué au cours de ces dernières décennies, c'est ça? Oui, elle a probablement diminué. On n'a pas tellement de références, parce que les premières études, elles ont commencé à 30 ou 40 ans. Mais effectivement, ça diminue un petit peu. Parmi les différents éléments environnementaux que vous étudiez, professeur Damien Léger, et qui affectent notre sommeil, il y a le bruit, la lumière et la température. Ça fait plusieurs années qu'on a des études sur les effets du bruit sur le sommeil. On a beaucoup travaillé sur le bruit des avions en faisant une grande étude prospective en France qui s'appelle l'étude débat pour mesurer quel était l'impact du bruit des avions sur le sommeil des riverains, d'où un certain nombre de régulations et de réglementations qui ont été faites par une autorité qui s'appelle la CNUSA et qui essaie de limiter. Le nombre d'avions de nuit. Le nombre de passages de nuit, qui les met sur les mêmes couloirs, qui essaie d'éviter les créneaux trop tôt, qui entraîne même des couvre-feux dans certains aéroports comme Orly. Mais bon, il n'y a pas que le bruit des avions, il y a aussi beaucoup le bruit des deux roues motorisées, de la circulation en général, qui est très perturbatrice du sommeil. À peu près 90% des gens qui sont gênés dans leur sommeil disent que le bruit les gêne. 15% des Français dorment avec des boules caisses. C'est énorme. Donc le bruit, la lumière. La lumière, donc c'est toute la question de la pollution lumineuse, problème peu connu mais vraiment étendu, qui fait que dans les villes, on a tendance à de plus en plus éclairer les centres-villes. Par exemple, en Île-de-France, 50% des personnes qui habitent n'ont pas besoin d'allumer leur lumière pendant la nuit, quand ils se lèvent, parce que c'est déjà suffisamment éclairé par l'éclairage public. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a jamais de vraie obscurité, ou alors il faut tirer des rideaux très sombres, faire très attention, parce qu'effectivement, le fait de percevoir de la lumière pendant la nuit, ça continue à influencer l'horloge biologique, et donc ça ne la met pas complètement en repos. Donc il y a des problèmes de dérégulation de la mélatonine, et la mélatonine étant antioxydant, probablement, peut-être à l'origine de la survenue de cancer ou de baisse de l'immunité. Voilà, donc la pollution lumineuse, là aussi, bon, il y a une sorte de prise de conscience. Là, avec la crise économique, on demande aux magasins de fermer la lumière de leur vitrine pendant la nuit, on demande aux immeubles de bureaux d'éteindre les bureaux pendant la nuit, mais bon, c'est impressionnant de voir comme c'est encore très très éclairé, avec ce phénomène dans les villes moyennes qui consiste à éclairer les monuments de manière très très importante pour faire quelque chose de scénographique. Les stades de football aussi extrêmement éclairés. Ce qui fait que du coup, ça se sent dans la végétation, dans la faune animale qui... Du coup, les oiseaux qui ne viennent plus parce qu'ils sont trop éclairés. Mais ça se sent également chez l'homme puisque beaucoup de gens sont perturbés par ce niveau d'éclairage important. Et enfin, la température. La température. Alors, pour s'endormir, il faut perdre un degré la nuit. Parce qu'on ne dort bien que quand on a perdu un degré. Alors, la température s'évapore en général par les extrémités, par les pieds, par les mains, mais aussi par la tête. Et le sommeil lent profond, le sommeil le plus récupérateur, survient entre 3 et 5 heures du matin, au moment où la température interne est la plus faible. D'où les techniques de se refroidir pour les gens qui ont du mal à dormir, de prendre une douche fraîche, d'essayer de diminuer la température de la pièce. Mais c'est sûr qu'avec le réchauffement en général climatique, pas mal de gens ont du mal à dormir. On le sent pendant les canicules, l'été, il y a beaucoup de problèmes de sommeil. Pièce d'à côté. Où est-ce qu'on se trouve, là, Claude Gronfier ? Dans cette chambre, on a étudié des participants chez qui on cherchait à savoir est-ce que notre sensibilité à la douleur varie au cours des 24 heures. Certaines études avaient indiqué que la perception douloureuse chute pendant la nuit et que c'est un signe que le sommeil est finalement le meilleur antalgique. Parce que quand on se réveille le matin, la plupart du temps, on a un peu moins mal que la veille au moment du coucher. Et donc, tout ça était bien intéressant, mais là encore, les études n'étaient pas très bien ficelées. Et donc, on ne pouvait pas dire à partir de ces études, bon, voilà, c'est lié au sommeil, ou bien c'est lié à une horloge, ou bien c'est lié à autre chose. Comment vous y êtes pris pour mener cette étude ? Alors, on a invité un certain nombre de participants dans notre laboratoire. Ils devaient y passer 45 heures. On appliquait sur leur avant-bras une petite plaque de métal qu'on faisait varier pour évaluer l'impact du chaud ou du froid. Et puis on leur demandait est-ce que cette température-là était agréable, désagréable, douloureuse, non douloureuse, etc. On a aussi évalué leur sensibilité à la lumière, leur perception de l'environnement lumineux, bref, un ensemble de marqueurs biologiques. Et ça, c'est ce qui s'est passé le premier jour. À partir de ce premier jour, ils ont été placés dans une condition qu'on appelle de routine constante ou constante routine, qui en fait est une condition dans laquelle les participants restent dans leur lit pendant 34 heures. Ils étaient allongés, sans aucune variation de la température, de la lumière, sans possibilité de dormir, et avec une intensité lumineuse extrêmement faible. Et ce protocole-là, il nous a permis d'observer que la sensibilité à la douleur qui varie au cours de la journée ne dépend pas de l'intensité lumineuse, puisque là, l'intensité lumineuse ne changeait pas au cours des 34 heures. Elle ne dépendait pas non plus du sommeil, puisqu'il n'y a pas de sommeil pendant ces 34 heures. Ça veut dire que cette perception douloureuse, elle est principalement liée à une horloge biologique, qui est l'horloge circadienne, qui permet finalement à l'organisme d'optimiser sa perception douloureuse en fonction des 24 heures, pour une raison qu'on ne comprend pas encore bien, mais en tout cas qui nous montre que notre sensation à la douleur est maximale au milieu de la nuit et minimale au milieu de l'après-midi. Qu'est-ce que vous en espérez, cette étude ? Qu'est-ce qu'elle pourrait ouvrir comme perspective ? Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est, puisque la douleur est rythmique, eh bien, il faut cesser de prescrire des antalgiques n'importe quand, et qu'il faut réfléchir au fait que si la douleur est rythmique, il faut peut-être optimiser l'horaire du traitement, de manière à optimiser l'efficacité de ce traitement sur la douleur de l'individu, et pas des individus en règle générale. C'est ce qu'on appelle la chronothérapeutique, Claude Gronfier, et qu'on utilise dans certains traitements du cancer, c'est ça ? Oui, c'est exactement la chronothérapeutique. C'est très efficace dans le cancer, trop peu utilisé encore, mais notre collègue Francis Lévy a observé depuis 30 ans que, en reprenant de vieilles molécules qui n'étaient plus utilisées parce qu'elles avaient beaucoup trop d'effets secondaires, bien qu'elles étaient les plus efficaces, en reprenant ces vieilles molécules et en les administrant à des moments très particuliers, on observe non seulement une réduction des effets secondaires, mais on observe aussi une augmentation de l'efficacité thérapeutique. Et donc ça veut dire que oui, il est justifié d'un point de vue à la fois thérapeutique et de réduction des effets secondaires, de ne pas donner les molécules n'importe quand, mais de les donner à des moments qui prennent en compte la physiologie de l'organisme et la chronobiologie des individus. En naviguant sur Internet, je suis tombé sur le témoignage de Sylvie Pioli, qui a travaillé pendant une trentaine d'années comme infirmière de nuit. Du coup, ça m'a donné envie de l'appeler pour connaître les raisons de ce choix et ses incidences sur son quotidien et sa santé. J'ai fait ce travail de nuit, bien entendu, parce que j'avais un enfant que j'ai élevé avec mon mari, que nous avons élevé ensemble, bien sûr, et c'était plus simple pour nous pour s'en occuper. Et en fait, je commençais à 20h30 et je finissais à 6h30. Ce planning était fait sur 2 semaines. Ça faisait 5 nuits dans une semaine et 2 nuits dans l'autre, intercalées par des repos. Quand je rentrais de mon travail, il était à peu près 7h du matin. Je m'activais à préparer le petit déjeuner pour mon fiston. Ensuite, je le réveillais, je l'emmenais à l'école. Quand je rentrais, il était 8h30, 9h. Je me couchais et je me levais en général vers midi. Je faisais pas de sieste, alors je dormais en tout et pour tout peut-être 3-4 heures d'affilée. L'après-midi, j'arrivais à faire du sport et j'allais le rechercher à 16h ou 17h et je le préparais pour le soir, les devoirs, le repas, et je pouvais partir travailler. Au début, j'avais un rythme comme ça qui m'allait très bien. Et puis, plus j'allais dans l'ancienneté, plus j'étais fatiguée, le corps n'acceptait plus trop toute cette fatigue qui s'était accumulée au fil des années. Et après, on n'arrive plus à dormir plus. Jusqu'à ce jour de 2014, où là, ça a un peu viré au cauchemar. Eh bien, je découvre moi-même que j'ai une grosseur au sein, que je fais examiner et il s'avère que c'est un cancer du sein. À ce moment-là, la machine se met en route pour l'intervention, les traitements, tout ça. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce cancer du sein, parce que j'avais une vie très saine. Donc une alimentation normale, voire bio, je ne fume pas, je bois pas, je fais beaucoup de sport, pas de cancer du sein dans ma famille, enfin aucun facteur de risque. Et du coup j'en ai parlé à un médecin qui m'a dit « mais cherche pas, cancer du sein et travail de nuit, ça rime. Travail de nuit, cancer du sein, en fait le risque il est augmenté de 30%, c'est ce que toutes les études disent, voire même 40%. Alors que infirmière, j'étais pas au courant, mon médecin traitant n'était pas au courant, tous ceux qui m'entouraient n'étaient pas au courant de ce facteur de risque. Eh bien, ce qui a fait que j'ai monté mon association, qui s'appelle Cyclosa, donc. Et depuis, donc, 2016, je sillonne, les routes de France et d'Europe pour sensibiliser sur ce facteur de risque qui est encore très peu connu. Claude Gonfier, vous êtes neurobiologiste et on vit dans une société qui tend à fonctionner 24 heures sur 24. On se rend compte que les commerces doivent rester ouverts de jour comme de nuit, où les transports publics devraient rester accessibles et ouverts toute la nuit, où il y a des travailleurs de nuit, où il y a des travailleurs postés qui changent régulièrement d'horaire, qui sont un coup du matin, un coup de l'après-midi, un coup de la nuit. Qu'est-ce que ça induit sur notre horloge interne, tout ça ? Ça induit d'assez mauvaises choses en règle générale. On a publié un rapport en 2016 sur les effets sanitaires du travail de nuit. Et donc on s'est intéressé à toute cette littérature scientifique qui a confirmé ce qu'on savait. On sait depuis longtemps que travailler la nuit, c'est difficile et que vraisemblablement, ça n'est pas une bonne idée parce qu'on est des animaux diurnes et qu'on n'est pas fait pour travailler la nuit. Donc on savait tout ça. Il y avait quelques études qui l'avaient clamé, qui l'avaient montré. Et puis intuitivement, on sent bien que quand on travaille la nuit, on n'est pas aussi en forme que quand on travaille le jour. Mais ce que ce rapport a pu montrer, eh bien, c'est que ça a des effets à tous les niveaux de l'organisme. Ce n'est pas uniquement des effets sur la santé mentale. On se sent plus fatigué, on se sent plus déprimé, on se sent moins compris, on a plus de mal à gérer le stress du travail. Mais en plus, on a plus d'obésité, on a plus de diabète, on a plus de syndrome métabolique, on a plus de cancer à tous les niveaux, cancer du sein, cancer de la prostate chez l'homme. On a plus de troubles cognitifs, on a plus de troubles du sommeil. Tous les travailleurs et travailleuses de nuit ne vont pas être atteints de ces troubles, heureusement, mais le travail de nuit va favoriser l'apparition de ces troubles. Ça ne veut pas dire que si on ne fait pas de nuit et qu'on fait que du matin ou que du soir, tout va bien. Parce que si on fait du matin et qu'on est plutôt quelqu'un du soir, ça veut dire qu'on a beaucoup de mal à se coucher le soir. Et que pour autant, il faut se lever éventuellement à 4 heures pour aller au travail. Ça veut dire qu'on a une toute petite fenêtre de sommeil. Et donc, ces individus sont en dette de sommeil chronique. Bref, il y a un véritable problème lié à des postes de travail qui ne sont pas en phase, qui ne sont pas en synchronie avec les besoins naturels, biologiques, chronobiologiques des individus. Et du coup, ce serait quoi votre préconisation ? Alors, dans un monde idéal dans lequel on écoute les scientifiques, il devrait y avoir des horaires à respecter pour le plus grand nombre, c'est-à-dire des horaires de jour pour lesquels on est programmé depuis la naissance de l'humanité. Autant on a besoin de policiers, on a besoin de militaires, on a besoin de médecins, d'infirmières, de paramédicaux dans les hôpitaux la nuit. Autant fabriquer des chaussures ou des ampoules en pleine nuit parce qu'il faut fabriquer 24 heures sur 24, ça n'est pas indispensable. Donc je pense qu'il faut songer à réglementer un peu plus strictement de manière à éviter des troubles évitables. Là, les troubles, les cancers dont on parlait tout à l'heure, troubles du métabolisme, ce sont des troubles évitables, des morts prématurées évitables. Et puis, il faudra aussi, à un certain moment, prendre en compte les besoins individuels. Alors, on ne va pas, évidemment, prendre en compte tous les besoins individuels, mais quelqu'un qui est un couche-tôt-lève-tôt, il faut éviter de le mettre en poste du soir, par exemple. Un couche-tard-lève-tard, il faut éviter de le mettre sur un poste du matin. Donc, d'une certaine manière, il va falloir réfléchir dans nos sociétés modernes à prendre en compte la biologie, de manière à éviter, là encore, des troubles évitables. Repenser le capitalisme? Absolument. Prendre en compte cette biologie pour repenser le capitalisme. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my Generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. 1, 2, 3, sommeil. Avec Claude Gronfier, Caroline, nurse de nuit, le petit Paul et ses parents, Sandra et Mathieu, Patricia Franco, Marie-Françoise Vecchirini, Florian Lécuel, Isabelle Arnulf, Damien Léger et Sylvie Pioli. Spéciale dédicace à Fanny Leroy, ma compagne, ainsi qu'à Milan et Elliot, nos enfants. Avec un extrait d'une séance d'hypnose du sommeil de Lionel Vernois, hypnothérapeute. Prise de son, Julien Bourdet, Fuang Mai Tran, Yvan Cherby et Jean-Guilain Meige. Mixage, Julien Douminc. Attaché de production, Marie-Yvonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Perrine Kervan. Métro, Boulot, Dodo, un documentaire de Jérôme Sandlars, réalisé par Agnès Catou. C'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu ?